Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. J'aime ce générique. Rockestra Theme de Paul McCartney en 1979 sur l'album Back to the Egg. J'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet. J'anime cette émission depuis maintenant 35 ans puisqu'on va sur la saison 2019. Et j'adore cette émission. C'est mon bébé à moi avant que j'ai eu un enfant. Et quel joli enfant. Je lui envoie une grosse bise à Eden, ma fille. Et mon autre bébé, c'est ça, c'est la saga des Fab Four. Et vous êtes là de plus en plus nombreux toutes les semaines, de mois en mois, à écouter la saga, vous en parlez autour de vous. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent depuis les États-Unis, c'est 14h sur la côte Est par exemple. Il y a des gens qui écoutent depuis la Belgique, depuis un peu partout en France évidemment, depuis l'Espagne, depuis le Japon. Et d'ailleurs, vu ce qui se passe au Japon, j'espère que cette personne-là et toutes les autres vont très bien d'ailleurs. Et bref, maintenant, depuis 12 ans, je crois, depuis que je suis sous la régie, depuis 12 ans, la saga des Fab Four, c'est worldwide. Et tant mieux. Donc, parlez-en autour de vous. La saga des Fab Four, c'est uniquement ici, le mercredi, de 20h à 22h à Blanquefort. Voilà. Quel est l'album de la semaine? Il n'y en a pas. Il y a une grosse actualité. Paul McCartney sort un nouvel album dans deux jours, Egypt Station. Et je me suis laissé dire que cet album est très, très, très, très bon. Et il est également en concert avec une nouvelle tournée Freshen Up Tour. Et il sera en France le 28 novembre. Je n'y serai pas. Je suis triste. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les places sont en vente à partir du 13 septembre. Ruez-vous sur les places, parce que quand on va au concert de Paul McCartney, je vous assure, pour l'avoir vécu de nombreuses fois, ça part très, très, très vite. Alors, on a décidé pour cette émission de rentrée avec l'équipe de la saga, de vous proposer, comme si Paul McCartney venait à Bordeaux, préparer son show, se donner des idées de ce qui pourrait passer ou ce qui ne pourrait pas passer. Donc, nous avons 2 heures de Paul McCartney avec un live virtuel de Paul McCartney qui se passerait à Bordeaux. Pourquoi pas? Et ce live, ça commence maintenant. Bonne soirée à toutes et à tous. Showtime! Ok, here we go. Right, let's go. petit rappel de 2013 pour Paul McCartney en cette entrée de show. Pourquoi pas, ça pourrait très très très bien. Et maintenant voici Magneto and Titanium Man sur la RG. Like bopping a bit or shaking it, this is when you can do it. So, or clap your hands or something. Here we go, man. Okay. avouer que ça commence plutôt drôlement bien, ce show que Paul McCartney prépare. Il n'a pas encore réellement commencé sa tournée. Est-ce qu'il va nous chanter une nouvelle chanson de son album ? Oui, I Don't Know sur RIG. Ma chanson préférée du moment. Cette chanson passe très

Paul lâche sa guitare pour en prendre une acoustique. C'est le moment où tout le monde s'en va et me laisse seul avec vous. Je suis toute seule avec vous. The first song I'd like to do on my own here is a song that was the very first record we ever made, even before the Beatles. I went along with John, George, me and two other guys, Colin and Duff. We went to a little recording studio in Liverpool, in a place called Kensington. You know Kensington? In Liverpool? Well, it goes on, yeah. We went to this little recording studio and we each paid £1 each, £5 to make the record. And then I kept it for 1 week, John kept it for 1 week, George kept it for 1 week, and so on. So this was the very first song, I'd like to do it for you now, that we did, recorded as the Beatles. C'est le premier disque que nous avons fait avant la Beatles. And there's a bit in it for you. The bit you can sing goes, if you'll be true to me. Attention est là, j'avais envie pour de vous faire plaisir en cette rentrée de la saga des Fab Four sur RIG. RIG c'est 90.7 pour ceux qui peuvent l'écouter en FM, et puis pour le reste du monde, y compris à Bordeaux si vous le souhaitez, vous pouvez l'écouter sur www.rigfm.fr. Voilà. I'd like to walk in a field with you. Country dreamer. I'd like to walk in a field. Country dreamer. If I can remember the words. I'd like to walk in a field with you. Take my hat and my boots off too. I'd like to lie in a field with you. Would you like to do it tonight? Would you like to do it too? I'd like to wash in a stream with you. Roll my trousers up and not feel blue. I'd like to wash in a stream with you. Would you like to do it too, May? Would you like to do it too? You and I, country dreamer. When there's nothing else to do, me oh my country dreamer, make a country dream come true. Well now I'd like to walk up a hill with you, stand on top and admire the view. I'd like to roll down that hill with you. Would you like to do it too, May? Would you like to do it too, May? Would you like to do it too, May? Yeah. Mrs. Vanderbilt sur RG dans la saga des Fab Four. Aujourd'hui, je parle peu. Place à la musique. Robbery. que ça donne envie d'aller en concert voir Paul McCartney, 76 ans, toujours en train de s'éclater, et tant mieux. Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four qui revient pour une 35e année. Ok. 1, 2, 3, 4. Things we said today sur RIG. No, no, don't answer. No, no. Roxanne, Paul McCartney. Thierry Gallet, je vous propose pendant deux heures du Paul McCartney pour fêter le fait qu'il ait un nouvel album et qu'il va venir en concert à, j'allais dire à Bordeaux, hélas, en France, ce sera déjà bien. Ok, listen man, we're going to do one more song and then we're going to take a break. And you are too. And you can get a drink or something. All right? se calmer un petit peu avec San Francisco Bay Blues sur RIG. Lay down and die. Well, I ain't got a dollar, I don't give a lousy dime. And if she never comes back, you know I'm gonna lose my mind. But if she ever comes back to stay, it's gonna be a brand new day. Well, I'm walking with my baby down by the San Francisco Bay. Yeah, yeah. Francisco Bay. You know the ocean liner is going so far away. Well, I didn't mean to treat her so bad. She was the best pal I ever had. She made me cry, she made me sigh. She made me wanna lay down and die. Well, I ain't got a dollar, I don't give a lousy dime. Yeah, but if you never come back, she lives on 20th floor of town. The elevator's broken down, but I walk on to back and be like four, five, six, and by the back home. I'm on 12 and I'm starting to sag. 15 floor, I'm ready to drive. Reach to the top, well, I'm too tired and rough. Well, she called me up on the telephone. Come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. But I'm in bed with the aching feet. Swam for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked on to that revival. 5, 6, and right if I fall. On 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drop. Get to the top, well, I'm too tired to run. I'm using the stairs. I hope they hurry before it's too late. You know, I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. If I'm a cop straight over the rail, and I walk on to that B-by-4, 5, 6, and right if I fall. On 12, I'm starting to say, 50 before I'm ready to train. Reach to the top, well, I'm too tired to roll. We'll be right back. Paul McCartney à l'aise dans tous les registres et c'est un concert virtuel que je vous propose ce soir. Souvenez-vous, Vanilla Sky sur RG. Chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or gray. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melt your tin beads, cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all, don't blow it away. Chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. Mm-hmm. In the vanilla sky. Okay. All right, we're going to have a great time tonight. Yes. If you've got any hair, I want you to let it down. Because we're going to have a party. This next song goes back to the 1970s. One, two, three. Every day she takes the morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her wrist, she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slip it in the stockings, step it in the shoes, dip it in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers go, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. Alone in the apartment she dwells. As she posts another letter to the sound of life, people gather round her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. Every day she takes the morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her wrist, she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Stepping in the stockings, stepping in the shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. It's just another day. C'est la saga des Fab Four numéro 382. C'est le retour après deux mois de silence pour faire un petit peu de vacances. Et je vous propose un spécial live de Paul McCartney créé par mes soins. Mais on fait comme si c'était un vrai concert, d'accord ? Là, c'est I Wanna Be Your Man, chanté par Paul McCartney sur RG. True. Whoa, I. Whoa, I. Well, I chanson formidable que celle-là. Et j'aimerais également qu'en concert, Paul McCartney, j'allais dire, prenne un risque. Non, ce ne serait pas un risque. Tout le monde la connaît. S'il pouvait nous chanter celle-là, là, India, est-ce que vous ne reprendriez pas en chœur India? Bonne soirée à tous et à toutes. C'est Thierry Gallet qui vous accompagne jusqu'à 22h03, moi, je crois. Pour la saga des Fab Four numéro 382 sur RIG, uniquement sur cette station, 90.7. concert il y a quelques années aussi, il y avait cette chanson-là, Sing the Changes, sur RIG. Yeah.

will, yes I will now. Ça va passer en concert. Vous êtes bien sur RG 90.7 et voici De l'Ordinaire, mais De l'Ordinaire qui est super. Got to get you into my life sur RG. Paul McCartney. RIG, la radio des Beatles. this morning, cause she was not in sight. And my friends are funny, but I'm only lippin' tight. Cause the hell, he's not that where you belong. I don't believe it, I'm speaking to you, babe. Wrong, doing it all wrong. Come on! Ça, le retour, j'étais au téléphone donc je ne pouvais pas parler. Je vous propose la dernière chanson, le truc habituel. Thank you. d'écouter la saga tout au long de l'année, je vous propose un petit cadeau qu'on m'a offert là, juste avant l'émission, quelques minutes avant l'émission. Voici un extrait de Egypt Station, voici Closing Station, justement, la fin de l'album sur RIG. C'est en exclusivité. La semaine prochaine, puisque ce sera l'album de la semaine. Merci d'être resté, merci de convaincre vos amis de venir de plus en plus nombreux écouter la saga des Fab Four sur www.rigfm.fr. Je vous laisse entre des mains merveilleuses celle d'Eric. Eric qui fait sa rentrée aussi et qui est chaud patate. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à très très bientôt. Salut.